justice. Si l'arme vérité te rendra à chacun, selon ses œuvres, tous les hommes de la terre le verront dans un clin. La trompette retentit et le ciel est ouvert. Tous les saints, tous les justes iront à sa rencontre. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de l'humanité. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de condamnation. La trompette retentit et le ciel est ouvert. Tous les saints, tous les justes iront à sa rencontre. Plus de pleurs, plus de larmes, ils seront consolés pour l'éternité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle, il est le chemin qui mène à Dieu. Aime Jésus comme mon ami, je te dis, écoute la voix de Dieu. Ce message est pour toi, donne-lui ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur. C'est Jésus, mon ami. Et je chante.